بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في سورة الممتحنة لبخوفه في المسألة 84 بعد 100 184 مسألة في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. Dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala il dit que Allah ne vous interdit pas, c'est-à-dire d'être bienfaisant et équitable envers ceux, c'est-à-dire parmi les mécréants, qui ne vous ont pas combattu en religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Verset 8. Et on a déjà pris une mas'ala précédente qui ressemble à celle-ci, précédemment, par rapport au fait de joindre entre le fait d'être équitable envers les koufars et le fait de leur faire montrer de l'amour. Et là, il va encore expliquer يعني شيئا من ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أن الكافر إذا لم يقاتل المؤمن في الدين ولم يخرجه من دهره لم يحرم بره والإقساط إليه. وقد جاءت آية أخرى تدل على من موالة الكفار ومواداتهم مطلقة كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقوله تعالى ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. Donc il dit ce noble verset nous montre qu'il n'est pas interdit d'être équitable envers le kafir qui ne nous combat pas en religion et qui ne nous exclut pas de nos maisons. Qui ne nous expulse pas de nos maisons. C'est-à-dire d'être équitable et d'être juste avec lui. Et d'autres versets sont venus montrer qu'il était interdit justement de s'allier aux koufars et de les aimer dans l'absolu. Même s'il s'agit des parents. Dans le sens où Allah dit « Et celui qui s'allie à eux parmi vous, alors il fait partie d'eux. » Al-Ma'idah, le tableau salué verset 51. Et ça part dans le sens où il dit « Et celui qui s'allie à eux, alors ceux-là sont les injustes. » Dans ce même, cette même sourate, Al-Mumtahina, verset 9. Dans ce point, dans le sens où il dit, et tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah au jour dernier, prendre d'amour, le verset, ceux qui ont, qui sont opposés à Allah et son messager, comme vous connaissez le verset, qu'il s'agit de ses pères et de ses fils et de ses frères, il a réalisé les cas. Mujahadala, l'entretien, verset 22. Et là, on précise que également, l'amour est un bienfait, que l'amour est de différentes catégories. Al-Mahabba, le fait d'aimer. Parmi cet amour, il y a l'amour d'Allah Azzawajal, qui lui est le summum de l'adoration. Le but pour lequel nous avons été créés. Car l'adoration, c'est l'amour. Et il y a le fait d'aimer en Allah, pour Allah. Et cela également est un amour qui est obligatoire. Et il y a l'amour qu'on appelle l'amour naturel. C'est-à-dire le fait qu'un être humain aura de l'amour pour un proche à lui. Comme ses parents, comme sa femme, comme ses enfants. Quand bien même ces gens-là seraient sur une voie opposée à la sienne, en religion. Ou voire même, si c'était dans la même religion, mais sur une voie déviante. Il aurait forcément une forme d'amour pour eux, d'affection pour eux, du fait qu'ils sont ses proches. Et cet amour-là, Allah ne l'a pas interdit. C'est un amour sur lequel nous avons été créés qu'il est en nous. C'est-à-dire qu'un fils kafir peut être aimé par son père musulman, mais d'un amour naturel, pas d'un amour religieux, qui amène à une alliance des aveux envers lui et qui amène à enfreindre l'ordre d'Allah Azzawajal. Donc l'amour naturel pour les parents, même si ce sont des mécréants, celui-ci est une chose qui est permis et sur lequel on dira même que nous n'avons pas le choix. C'est une chose qui est en nous. Et que Allah ne nous reprendra pas pour cet amour-là. Donc là, pour revenir à la mas'ala, il dit le jawab, la réponse, « Huwa anna man yaqul bi nasr hadhihi al-aya fala ishkal fiha ala qawli. » Donc il y a des gens qui disent que ce verset est abrogé. Que Allah ne nous a pas interdit d'être équitable, bienfaisant envers les koufars. Certains disent qu'il était abrogé par d'autres versets. Donc là, sur ce cours-là, il n'y a pas de problème. ولا قول بأنها محكمة فوجه الجمع مفهوم منها لأن الكافر الذي لم ينهى عن بره والإقساط إليه مشروط مشروط فيه عدم القتال في الدين وعدم إخراج المؤمنين من ديارهم والكافر المنهي عن ذلك فيه هو المقاتل في الدين والمخرج للمؤمنين من ديارهم والمظاهر للعدو على إخراجهم والعلم عند الله تعالى. Donc il dit, et quand bien même ce verset ne s'est pas abrogé, que le verset est effectif, on dirait tout simplement que la chose elle est comprise. La chose est tout à fait compréhensible. Du fait que dans ce verset-là, Allah a conditionné que ce kafir, mais que ce kafir avec qui on peut être équitable et juste, il y est mis comme condition qu'il ne soit pas de ceux qui combattent les gens en religion. Et qu'il ne soit pas de ceux qui expulsent les muslimines de leur demeure. Quant à celui pour qui cela est interdit, c'est-à-dire de faire preuve de bienfaisance envers lui, c'est celui qui seulement qui combat et qui sort les mu'mines de leur demeure. Et celui également qui soutient les ennemis des muslimines pour les expulser. Ce n'est pas celui qui te sort directement, mais il soutient ceux qui agissent de la sorte. Il faut savoir une chose par rapport à cela. C'est que même celui, de toute façon, qui sort, le musulman, et qui le combat, quoi qu'il en soit, Allah nous a interdit d'être des injustes. C'est-à-dire, même avec lui, on doit être juste. C'est-à-dire, dans le jugement qu'on doit lui appliquer, ou le comportement qu'on doit avoir avec lui, on doit être juste. Quoi qu'il en soit, l'injustice, c'est une chose qui est interdite. Dans l'absolu. L'injustice, c'est une chose qui est interdite dans l'absolu. Donc, bien différencier le fait d'être juste, équitable et bienfaisant, et le fait de les aimer et de leur montrer de l'amour, de l'affection, de l'alliance. Cela sont deux points totalement différents, dans lesquels beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas compris et sont tombés dans la confusion et se servent de ces versets-là pour justifier l'amour et l'affection dont ils veulent faire preuve envers les mécréants. Wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.